Orego, pour RepHopFranco.com. Deuxième round. Haha. Yeah. La déception, c'est ce qui nous pousse vers la tristesse. Et c'est souvent le résultat d'une décision prise en vitesse. Mal occasion, ses actions blessent et enchaînent l'abjuration de nos plus profondes convictions. Ce qui nous mène à la destruction de soi-même par l'accumulation de ces malédictions qui sèment en nous ces problèmes de réflexion. Un phénomène qui nous attire vers la dérive et nous fait vivre des sensations relatives à la dépression. Mais en conclusion, il faut que je me délivre de ces pensées de mon passé. Et pour les effacer, je dois en faire la confession. Pour enfin pouvoir revivre ma vie sans confusion. Abusive. C'est comme dans le temps où je me faisais abuser par un peu sale dans son garage. Fais-toi une image mentale d'un petit gars amical, de comme un ange faisant un massage à la grosse phalange. J'ai parti génital, une vieille étrange, tout en échange d'un acte réciproque. Quoi? What the fuck, c'est illégal, c'est un mal infernal, j'ai dû subir à l'époque. Car j'étais la poupée, pis toi le ventriloque. But I never should've kept my mouth shut. J'avais 3 ans, you sick fuck. Tandis que là, ça n'en fait 20 que je rêve de te voir crever. Choqué du cœur, mon assiette, mes cartes, t'as disparu comme un chasseur à la quête de nouvelles proies. Pour appliquer la terreur dans laquelle tu le noies. Fait que depuis, pour me rassurer, je lis l'évangile qui dit tu files vers l'asile, tu as ton profil de pédophile. Mais c'est difficile à croire qu'un jour je vais pouvoir avoir mon esprit subtil. Et ça, c'est même si une sibylle m'a prédit que les souvenirs de cet homme sénile allaient devenir inutiles. Comme un désir futile, ainsi que l'avenir facile. Sans problème hostile, un succès aussi vite, mais malheureuse. Mais pour l'instant, cette prédiction reste encore incrédible à 100%. 100%, 100%, 100%, 100%, 100%. Est-ce qu'il y a du monde de fucké dans la vie, hein? Ah, ben c'est sûr. Pis le pire, c'est que j'ai même pas fini. N'en veux un autre. Yo, hey yo, bah, t'es un truc qui m'arrache. Car dès ma naissance, t'as pris tes bagages. J'avais 15 ans pour partir en voyage vers la délinquance avec tes chums. Comme ton crack, ton pote, ta gomme de hache, ton moche, ton sac de smack dans le fond de tes poches. T'es prêt à faire tes sacoches. Car t'es en finance, errant sa connaissance ou insouciant de l'importance. La présence de perdre durant la croissance de l'enfance. Mais la conséquence de ton absence, c'est résulté à mon intolérance, à l'obéissance en occurrence. Attends que j'y repense, personne m'a jamais frappé ni isolé en punitence. Fait que j'ai placé ma mise sur la violence, tombant sous la brise de la démence. Et je peux pas t'expliquer ni t'exprimer toute la souffrance. Ma mère a dû éprouver, a démontré son endurance. Je le dis avec assurance, tandis que lui s'expose toujours à la vie morose. Sous ordonnance à l'ose illicite, comme un junkie dont je prends une pause. Et je prie qu'avec chance, sa génétique s'appliquera pas à ma descendance. Sinon je panique, j'irais même que je viendrais hystérique. Car mon père c'est un crise de corps critique qui m'a rendu fou. But now it's my turn to say fuck you. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Dans le fond, la logique de cette histoire-là, c'est de pouvoir réaliser qu'il y a tellement d'enfants qui se font abuser, qu'ils sont abandonnés eux-mêmes. Le seul message que j'ai pour eux, c'est d'arrêter de tout garder à l'intérieur. Faut sortir du noir, parce qu'il faut parler de nos problèmes pour eux à s'en sortir. So, gardez pas le silence. Peace.